fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. En 88, un délai en 88, c'est tout simple pour calculer. Il suffit de faire ça et ça fait 227 millisecondes. Donc on met 227 millisecondes et ça nous donne un délai par rapport à 88. BPM. N'importe quoi. Ou alors. 8,816. Bizarre, 227, ça fait bizarre comme truc. 227. Thank you. calcul avec 88. Je sais plus comment on fait. 88. Il faut diviser le temps. Attends. Ah ouais, d'accord, je sais. J'ai logique. Une, deux, 85 millisecondes. terre se merveille. Chanson de. J'avais trouvé un truc. Top tablature. La tablature la plus utilisée, Stairway to Heaven. Deuxième position, Knocking on Heaven's Door. Troisième, Else Sister Passenger Clapton. Facile comme morceau là, Tracy Chapman. Take a board and revolution. Quatre accords. C'est quoi ces accords? Qu'est-ce que c'est qu'un 4-9? 9. Moi je mettrais un C. Ah mais si, C à 9. C, c'est un Do, c'est ça? Do, donc ça joue comme ça. Là, tu mets pas l'autre. Ouais, bon, enculé. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est nul cette réverbe. Hein. Don't you know? Vous connaissez celle-là? Talk about the revolution. C'est. Attends, je remets la tablature. Comment on fait là? Attends, là voilà, les accords. Mistral gagnant, tu parles. Première chanson française. Ah si, il y a des Cabrel. Jeux interdits. Ah si, j'aime bien YouTube One. 5 accords. C'est quoi ces accords? Thank you. Improvise, Karma, si tu préfères. 1. Hey. Hey, hey. Comme conneries, oh, oh, oh. Hey. We'll be right back. problème de volume. Ouais. Thank you.